L'importance du tekfir des polythéistes ignorants s'affiliant à l'islam d'après Fawzen. Fawzen a dit: tout musulman est effectivement tenu de bannir de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah, qui adorent autre qu'Allah sans distinction entre les arabes d'entre eux et les non-arabes, les juifs et les chrétiens ou ceux qui se donnent le nom de l'islam. Il n'y a pas de traitement de faveur dans ce dogme. Ainsi, celui qui ne bannit pas de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah est alors un apostat, un mécréant comme eux. Car la foi et la mécréance sont à égalité selon lui. Il ne fait pas de différence entre celle-ci et celle-là. Et de même, celui qui doute que ceux qui donnent des associés à Allah sont hors de l'islam et qui dit « je ne sais pas s'ils sont mécréants ou s'ils ne sont pas mécréants », eh bien c'est un mécréant, car il hésite dans sa religion entre la mécréance et la foi et ne fait pas de différence entre celle-ci et celle-là. Source: Durus fi Sharh Nawaqid al-Islam, à la page 80 de l'édition Maktaba al-Rushd. Fawzan a dit dans celle-ci la Tisharh Rasail min Majmu'at al-Tawhid, à la cassette 7, position 29e minute 45 secondes. Et ceci est très dangereux, et beaucoup de prétendus savants tombent dedans. Celui qui ne bannit pas de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah, il dit: moi, je ne fais pas de shirk, alhamdulillah, je ne donne pas d'associé à Allah, mais les gens, c'est pas mon affaire. Je ne les juge pas mécréants. Nous disons, tu ne connais pas la religion, tu ne connais pas ce qu'est le tawhid ni le shirk, tu dois bannir de l'islam celui qu'Allah a banni de l'islam, ainsi que celui qui donne un associé à Allah. Tu dois rompre avec lui comme Ibrahim a rompu avec son père et son peuple. Je rompe avec ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car il va certes me guider. Ou bien celui qui valide leur religion. Celui-là est encore pire. Il dit, ce qu'ils commettent n'est pas du shirk. C'est juste qu'ils prennent des intermédiaires. Ou bien qui dit, ceux-là sont des ignorants. Ils sont tombés dans ces choses-là par ignorance. Ainsi, il les défend. Ceci est une mécréance pire que la leur. Car il a validé leur religion et il a validé la mécréance et il a validé le shirk. Il est clair dans ces deux paroles de Fawzan que l'islam n'est pas valable sans le tekfir, l'excommunication, des polythéistes ignorants qui s'affilient à l'islam. Si on résume sa parole de manière la plus brève et précise possible, on pourrait dire ceci. Fawzan a dit: quiconque tombe dans le shirk par ignorance, qu'il soit non-arabe ou arabe, juif, chrétien ou celui qui s'affilie à l'islam, il devient un polythéiste. Quant à celui qui doute de sa mécréance, même s'il désavoue le shirk, il est un mécréant, car il ne connaît pas ce qu'est l'islam, il ne connaît pas ce qu'est le tawhid, et il ne sait pas faire la différence entre le tawhid et le shirk.